Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Quand par l'hiver, bois et guéret sont dépouillés, ta parure. Toi que Noël planta chez nous au saint anniversaire, toi que Noël planta chez nous au saint anniversaire. Toi que